Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de Travail à cœur. Je suis Marilyn Gomez et c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire en exclusivité sur Radio Cause Commune. Le thème de cette émission est les femmes et la violence au travail, prévenir et reconstruire. Frédéric Martz, directrice générale de l'Institut Women Safe, quel est le rôle des syndicats? Quelle est la meilleure posture à adopter? Confiance ou méfiance et pourquoi? Ben moi, je pense que les syndicats, ce sont des élus et que le sujet en fait, que nous traitons aujourd'hui nécessite de grandes compétences parce qu'il peut avoir un impact grave s'il est maltraité. Maltraité, ça veut dire qu'on peut effectivement engager une personne vers un chemin qui n'est pas du tout le bon. Et c'est pour ça que quand on parle des élus, ça me gêne toujours un peu parce que je pense qu'ils doivent contribuer à faciliter effectivement le parcours d'une victime, mais pour autant ne jamais se substituer aux professionnels qui doivent être habilités à prendre en charge des victimes. Pour autant, je pense notamment au rôle des RH, ce n'est pas toujours facile pour une entreprise de mettre en place en fait, une dynamique autour des violences, du harcèlement sexiste, sexuel et moral dans une entreprise. Pourquoi ? Parce que à tous les coups, vous trouverez effectivement des managers qui auront eu des comportements effectivement de ce type-là. Et c'est vrai que la DRH, elle doit savoir gérer effectivement un sujet qui n'est pas facile à imposer dans une entreprise. Mais pour autant, pour avoir fait effectivement des formations dans des entreprises, le fait d'avoir l'ensemble du personnel aujourd'hui en formation, ça va permettre à chacun de qualifier son comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on réalise et on voit des personnes s'identifier en disant « je ne pensais pas que j'étais dans le harcèlement ». Donc c'est assez intéressant parce que du coup, on a l'impression de bien faire notre travail, pas simplement de former des gens qui vont être ceux qui vont détecter ou dépister des violences. Tout le monde aujourd'hui est acteur du dépistage et de la prévention. Et je pense que le fait de pouvoir s'identifier comme étant un potentiel harceleur, parce que au départ c'était une petite blague, mais je ne pensais pas que... Eh bien aujourd'hui, le fait que ce soit aussi bien qualifié juridiquement, tout le monde peut se sentir, on va dire, un tant soit peu, pas identifié comme un harceleur, mais conscient qu'il peut devenir un harceleur au bout du bout. Oui, moi je vais reprendre sur les obligations qui pèsent sur l'employeur. Il faut dire une chose avant tout, ces obligations doivent être mises en regard avec la situation que nous avons. En fait, nous avons un tiers des femmes à peu près qui sont encore aujourd'hui victimes, qui se déclarent victimes d'agissements, de violences, de comportements inadaptés de la part des hommes au travail. Donc un tiers, c'est quand même énorme. Donc il faut, je dirais, bien comprendre quel est cet enjeu. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on ait des situations apaisées au travail. Donc l'employeur, au regard de la réglementation, c'est l'article L115.3.5 alinéa 1, doit prendre toutes les dispositions du Code du travail, doit prendre toutes les dispositions pour préserver les faits de harcèlement sexuel, d'agissement sexuel, d'agression sexuelle, et y mettre fin dans les meilleurs délais et les sanctionner. Donc, à partir de cette lecture, il y a 7 actions que l'employeur doit développer. La première action, c'est informer par tous les moyens l'ensemble des salariés ou des agents. La deuxième action, c'est inscrire cette disposition dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur doit préciser très précisément ce concours un prédateur, ce concours un harceleur et les mesures qui seront prises vis-à-vis de lui. Par exemple, ça peut être la rupture du contrat de travail. Troisième aspect, l'employeur doit élaborer une procédure interne de signalement et de traitement de ces violences. Il y a une commission qui peut être une commission paritaire avec représentants de la DRH, représentants des salariés, élus du personnel, élus au CSE et médecine du travail. Cette instance peut être saisie d'une manière totalement, anonyme par les personnes qui s'estiment victimes. Et ça doit être y compris dans la procédure d'information qui doit être envoyée à tous les personnels. Quatrième action, prendre les mesures internes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique mentale des salariés. Il y a des mesures à prendre qui sont, encore une fois, du tout venant en matière de prévention qu'il faut mettre en place. Cinquième action, procéder à des enquêtes internes, en particulier favoriser l'égalité femmes-hommes en matière de salaire, en matière de promotion. Hein, c'est l'index dont on a parlé, qui doit être mis en place dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et sixième action, sensibiliser régulièrement tous les salariés. Ce n'est pas, encore une fois, en une fois qu'on va y arriver. Il faut un peu de temps. Il faut 3 ou 4 ans, 5 ans peut-être pour parvenir à une situation plus favorable. Donc, il faut revenir sur le sujet. Septième action, former les membres du CSE, mais pas simplement tout le personnel encadrant. Au moins ces personnes-là. Si on ne peut pas former tous les salariés, il faut former au moins tout le personnel encadrant et les représentants du personnel. Enfin, il faut veiller, je dirais, à faire en sorte que l'action des référents, qui a été évoquée par Françoise, hein, il doit y avoir un référent dans toutes les boîtes de plus de 50 salariés, un référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et il doit y avoir en plus un référent RH dans les boîtes de plus de 250, eh bien, il faut veiller qu'il puisse développer un véritable travail. Donc, si on a ces sept actions qui se font, on aura un gros progrès au sein des entreprises. Et pour cela, il faut que l'employeur, au plus haut niveau, exprime sa vision de la question en expliquant bien qu'il ne tolérera pas des dérives de cette sorte-là, de harcèlement, de dérives, et qu'il sanctionnera pour faire en sorte que chacun puisse se sentir en sécurité au sein du travail.